Depuis que je vous ai rencontré, je rêve de vous la nuit, la journée. Je m'imagine des histoires où je vous invite à dîner. Je voudrais vous offrir des fleurs, vous apporter un peu de bonheur, vous dire combien je pense à vous, combien vous me manquez beaucoup. Mais chaque fois j'hésite et j'ai honte au fond de moi. J'ai peur de vos critiques et que vous vous moquez de moi. Ah, quand je vous vois, j'ai les mains qui tremblent. Quand je vous vois, j'ai le cœur qui bat. Je voudrais vous dire des mots tendres, mais quand j'essaie, je n'ai plus de voix. Quand je vous vois, j'ai le corps fragile. Quand vous posez vos regards vers moi, je voudrais m'isoler vers une île. Et je fais en sorte que ça ne se voit pas, que ça ne se voit pas. Je vous vois le matin, le midi, sans cesse je vous cherche dans mon esprit. Comment vous étiez habillé, sur vous ce visage éclairé. Je voudrais vous offrir des fleurs, vous apporter un peu de bonheur. Je ne voudrais pas vous froisser, mais c'est le fond de votre cœur. Et chaque fois j'hésite et j'ai honte au fond de moi. J'ai peur de vos critiques et que vous vous moquez de moi. Ah, quand je vous vois, j'ai les mains qui tremblent. Quand je vous vois, j'ai le cœur qui bat. Je voudrais vous dire des mots tendres, mais quand j'essaie, je n'ai plus de voix. Quand je vous vois, j'ai le corps fragile. Quand vous posez vos regards vers moi, de vous j'ai peur, je suis timide. Et je fais en sorte que ça ne se voit pas, que ça ne se voit pas. Quand je vous vois, j'ai les mains qui tremblent. Quand je vous vois, j'ai le cœur qui bat. Je voudrais vous dire des mots tendres, mais quand je sais, je n'ai plus de voix. Quand je vous vois, j'ai le corps fragile. Quand vous posez vos regards vers moi, de vous j'ai peur, je suis timide. Je fais en sorte que ça ne se voit pas. Quand je vous vois, j'ai les yeux qui brillent. Je retiens mes larmes de douleur. Je voudrais m'isoler vers une île. La peur au ventre de vous déplaire. À chaque fois, j'ai le cœur qui flanche. Quand enfin j'entends votre voix, elle pénètre dans tous mes sens, réveille le fond de mon émoi. J'ai les mains qui tremblent. Quand je vous vois, j'ai les mains qui tremblent. Quand je vous vois, j'ai le cœur qui bat. Je voudrais vous dire des mots tendres, mais quand j'essaie, je n'ai plus de voix. Quand je vous vois, j'ai le corps fragile. Quand vous posez vos regards vers moi, de vous j'ai peur, je suis timide. Je fais en sorte que ça ne se voit pas. Quand je vous vois, j'ai les mains qui tremblent. Quand je vous vois, j'ai le cœur qui bat.